Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode d'ActuVu. On espère que vous allez bien alors que les concours ont déjà bien débuté. Pour cette semaine, un programme moins chargé que d'habitude, mais tout aussi riche en informations. Valentine nous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Avec Juliette, l'ICE, la police de l'immigration américaine, n'aura plus de secret pour vous. Pour sa première participation, Mariola fera un point sur les sujets des violences faites sur les enfants en milieu scolaire. En sport, Naïs reviendra sur la Coupe du Monde 2026, dont le succès pourrait être plus mitigé que prévu. Et comme d'habitude, on terminera avec les traditionnelles recommandations. Cette semaine, c'est Lina qui s'y colle. Mais pour commencer, à vos surligneurs, c'est l'heure du affluoté avec Zoltan. C'est un record historique, le cours de l'or a dépassé lundi la barre des 5 000 $, il est redescendu depuis. Le métal précieux reste une valeur refuge face aux incertitudes géopolitiques, commerciales et monétaires. L'Europe et l'Inde ont fait l'histoire, selon Ursula von der Leyen. Mardi, l'Union européenne et l'Inde ont signé un accord commercial historique. Nous avons créé une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes qui va bénéficier aux deux parties, d'après la présidente de la Commission de l'Union européenne. Contrairement à l'accord avec le Mercosur, ce traité ne concerne pas certains produits comme le bœuf, le sucre et le riz pour éviter une concurrence déloyale avec les agriculteurs européens. En Espagne, un demi-million de sans-papiers vont être régularisés. La mesure a été adoptée mardi par le gouvernement de gauche. Elle devrait concerner en premier lieu les migrants latino-américains qui représentent la majorité des personnes actuellement en situation irrégulière en Espagne. Ils pourront donc travailler dans n'importe quel secteur, partout dans le pays. L'objectif est de soutenir la croissance économique. Le dossier judiciaire de Jean-Marc Morandini s'alourdit. Déjà condamné pour corruption de mineurs, l'animateur s'est désisté de son pourvoi en cassation dans une affaire de harcèlement sexuel. Cela veut dire qu'il va être définitivement condamné. Inscrit au fichier des délinquants sexuels, il est maintenu à l'antenne. Autre figure de la chaîne du groupe Bolloré, le directeur de l'information Thomas Bauder a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur ses enfants. Il a fait appel. L'ex-sénateur Joël Guerriau a été condamné mardi à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme. Il est reconnu coupable d'avoir lourdement drogué la députée Sandrine Josso en novembre 2023 afin de la violer. Le maire RN de Fréjus, David Rachlin, a annoncé mardi sa candidature pour les municipales. Le tribunal correctionnel de Draguignan vient de le relaxer dans un dossier de prise illégale d'intérêt. Le maire aura de nouveau affaire à la justice en septembre. Il est soupçonné d'avoir favorisé la société de sécurité d'un proche dans l'attribution de marchés publics. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi pour la troisième fois le 49-3. Il permet d'adopter un test sans vote à l'Assemblée nationale. C'est la dernière étape avant l'adoption définitive du budget de l'État prévu lundi. Merci beaucoup Zoltan pour ce résumé très détaillé de l'actualité de la semaine passée. On va continuer sur du législatif avec cette semaine le vote d'un texte concernant l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans que Valentine va vous expliquer. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ? Mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. La France sera peut-être le deuxième pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes. Une proposition de loi a été adoptée, Valentine Bresson. Après l'Australie, c'est au tour de la France. L'Assemblée nationale a approuvé une proposition de loi qui vise à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte soutenu par le gouvernement proscrit aussi l'utilisation des téléphones dans les lycées. Une recommandation phare du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, porté par Laure Miller. Alors ce texte, réécrit plusieurs fois, présente maintenant une principale difficulté, être conforme au droit européen et à son règlement sur les services numériques pour éviter d'être retoqué comme un texte similaire en 2023. Quel système vérifierait l'âge des utilisateurs ? Leur efficacité est controversée, mais un tiers de confiance qui ne serait ni l'État ni la plateforme en question procéderait à une reconnaissance faciale ou demanderait des documents d'identité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont déjà interdits aux moins de 13 ans, mais cette mesure vise à protéger davantage la santé des adolescents. Si l'interdiction est mise en place au 1er septembre, les plateformes auront jusqu'au 31 décembre pour supprimer les comptes des utilisateurs en dessous de cet âge. Le texte arrivera au Sénat mi-février. Les députés ont également adopté la proposition de loi mettant fin au devoir conjugal, une mesure qui va permettre de clarifier la notion de communauté de vie, nous explique Nathalie Cosy-Couchat, notaire et professeure à l'École nationale de magistrature. C'est une construction jurisprudentielle en fait, c'est-à-dire que ce n'était pas inscrit dans la loi. Mais en fait, que le juge a pu se fonder sur le refus d'avoir des relations intimes de l'épouse, que mettait en avant son mari pour prononcer un divorce au tort exclusif. Vous voyez, c'est fondé là-dessus. Donc là, en fait, c'est plus une clarification de la loi. Mais on sait très bien qu'il peut y avoir des viols entre époux. Ça, pour le coup, c'est possible. Là, c'était plus sur l'aspect du divorce, en fait, l'aspect faute exclusive du divorce. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'obligation au devoir conjugal et on considère du coup que le consentement, il doit être libre et c'est un droit fondamental, même dans le cadre du mariage. Une promulgation du texte est espérée avant l'été 2026 par les parlementaires. Les États-Unis ont encore beaucoup fait parler d'eux cette semaine et c'est l'occasion d'ouvrir un gros dossier sur l'ICE avec Juliette. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. L'ICE, la police de l'immigration américaine, est aujourd'hui au cœur d'une tempête politique et sociale après plusieurs morts lors d'interventions et l'arrestation très controversée d'un enfant de 5 ans. Mais d'où vient cette agence et comment est-elle devenue l'un des symboles les plus explosifs de l'Amérique de Trump, Juliette Gaudillet? L'ICE naît en 2003 dans l'Amérique traumatisée du 11 septembre et à l'époque, George W. Bush veut renforcer la sécurité intérieure et le résultat, c'est une vaste réorganisation de l'État fédéral et la création d'un nouveau super ministère, le Département de la Sécurité Intérieure. L'ICE récupère alors les missions de l'ancienne police de l'immigration et des douanes, c'est-à-dire traquer, arrêter, détenir et expulser. Pendant des années, l'agence reste relativement discrète. Elle lutte contre le terrorisme, les trafics, les gangs et expulse déjà, mais sans être au centre du débat politique. Mais tout change avec Donald Trump. Et oui, puisque dès son premier mandat, il fait de l'ICE l'un des bras armés de sa politique migratoire. Et depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, l'agence connaît une explosion sans précédent de ses moyens. Le Congrès vote des dizaines de milliards de dollars supplémentaires pour recruter massivement, construire des centres de rétention et multiplier les expulsions. En 2025, plus de 300 000 personnes sont expulsées. C'est un record historique. Aujourd'hui, l'ICE compte environ 22 000 agents, souvent formés en urgence, envoyés très vite sur le terrain. Et ces méthodes sont régulièrement dénoncées. Interventions musclées, arrestations dans les écoles, sur les lieux de travail ou au domicile des familles. Et cette violence éclate au grand jour en janvier 2026 à Minneapolis. Deux personnes meurent lors d'opérations fédérales, dont Renee Good, une mère de famille de 37 ans, abattue dans sa voiture. Et quelques jours plus tard, un infirmier est tué alors qu'il filmait une intervention. Puis, dernière image choc, celle d'un petit garçon de 5 ans, bonnet à oreilles de lapin sur la tête, emmené par l'ICE vers un centre de rétention au Texas. Alors Minneapolis s'embrase, manifestation massive, élus démocrates vent debout, appel à abolir l'ICE. 20 ans après sa création, l'ICE n'est plus seulement une police de l'immigration. C'est une ligne de fracture entre sécurité et liberté, entre État fédéral et citoyen, et désormais entre l'Amérique que Donald Trump veut imposer et celle qui refuse de s'y reconnaître. Et la controverse ne s'arrête pas aux frontières américaines. La présence prévue d'agents de l'ICE, même en rôle consultatif, aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, suscite une vive polémique en Italie. Le sujet a été largement évoqué dans le Cache Investigation diffusé jeudi soir sur France 2. La question des violences sur les enfants en milieu scolaire, c'est tout de suite avec Mariola. Des élèves peuvent être victimes de violences sexuelles et sexistes à l'école. Face à ce nombre de cas, le ministère de l'Éducation nationale a demandé des chiffres à ses services. Les voilà, ces chiffres avec Mariola Oyono. Ce matin, vous nous les présentez. Et on apprend que les élèves sont victimes de violences très tôt. Oui, Corentin, dès l'école élémentaire, en CM1 et CM2, les violences sexistes et sexuelles sont déjà bien présentes. 8% des élèves disent avoir été déjà embrassés de force. 15% déclarent avoir été victimes de voyeurisme dans les toilettes. À cet âge-là, filles et garçons sont touchés de manière équivalente. Mais à partir du collège, l'écart se creuse nettement. Les filles sont beaucoup plus exposées. Une lycéenne sur 5 a déjà été victime de violences sexistes et sexuelles, qu'il s'agisse d'intimidation ou de comportements à caractère sexuel. Chez les garçons, ils ne sont que 5%. Conséquence directe, les filles se sentent moins en sécurité aux abords de leur établissement. Elles sont aussi deux fois plus nombreuses que les garçons à avoir déjà manqué un cours par peur d'être harcelées. Une collégienne sur 5 et une lycéenne sur 10. Ce baromètre s'intéresse également aux violences en ligne. Près d'un tiers des collégiennes et un quart des collégiens disent avoir déjà subi des insultes ou des rumeurs sur Internet. Après la diffusion d'un documentaire ce jeudi sur France 2 qui a fait lumière sur des dysfonctionnements dans le périscolaire et plusieurs scandales dans des établissements catholiques, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé qu'il allait procéder à plusieurs signalements pour, je cite, « ne rien laisser passer ». Du changement est annoncé dans le monde de la grande distribution. Le distributeur nordiste Auchan a annoncé ce mardi 27 janvier la vente de 91 supermarchés au groupe Les Mousquetaires, une opération destinée à se recentrer sur ses hypermarchés et ses drives. Les magasins concernés changeront d'enseigne d'ici avril 2027. Les jeunes pères restent de plus en plus longtemps auprès de leur nouveau-né. Le congé paternité rallongé connaît un vrai succès. Près de 6 pères sur 10 ont utilisé l'intégralité de leurs 25 jours en 2022, un an après son passage de 11 à 25 jours. Selon une étude de l'INED publiée ce mercredi 28 janvier, les fonctionnaires et les salariés en CDI prolongeraient davantage leur congé au-delà de la semaine obligatoire. Un franc succès légèrement terni par les 40% de pères qui n'utilisent pas l'entièreté de ce congé paternité. J-132 avant la Coupe du Monde 2026, l'occasion de faire un point sur l'organisation de l'événement qui s'annonce plus délicate que prévu avec Naïs. Moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. Des milliers de billets annulés pour appeler au boycott de la Coupe du Monde de football 2026. La compétition qui se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada nage en pleine controverse. Mais qu'en est-il réellement, Naïs Frullio ? Pour protester contre la politique anti-immigration du président américain Donald Trump et les méthodes controversées de l'ICE, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux une vague d'annulation de billets pour la Coupe du Monde de football 2026. On parle quand même de 17 000 billets annulés. Eh bien, c'est faux. La FIFA, Fédération internationale de football, l'a annoncé. Il n'est pas possible d'annuler un billet, sauf si le match est annulé. En revanche, il est possible de revendre ou échanger vos billets sur une plateforme officielle mise en place par la FIFA. L'institution s'est d'ailleurs félicitée d'avoir enregistré plus de 500 millions de demandes de billets pour la compétition à venir, et ce, malgré des prix extrêmement élevés. Les billets coûtent jusqu'à 5 fois plus cher que lors de la dernière Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Donald Trump n'a visiblement pas apprécié l'artiste programmé à la mi-temps du Super Bowl. Le chanteur Bad Bunny devient le premier artiste portoricain à assurer la mi-temps du Super Bowl, et ça, ça ne plaît pas à l'administration Trump. Le Super Bowl, c'est la vitrine de la culture américaine. L'artiste défend publiquement les droits LGBTQ+, et critique régulièrement la politique migratoire américaine, de quoi faire réagir les conservateurs. Le casting des Césars est enfin connu. Les nominations pour la 51e édition des Césars ont été dévoilées. La cérémonie aura lieu le 26 février à l'Olympia. La soirée sera présidée par Camille Cotin et présentée par Benjamin Laverne. 4 films se démarquent cette année. Nouvelle vague avec 10 nominations. Et l'attachement Dossier 137 et l'inconnu de la Grande Arche avec 8 nominations chacun. Merci Naïs Frullio et on accueille maintenant notre dernière chroniqueuse pour les recommandations avec Lina. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Et si vous souhaitez approfondir certains de ces sujets parfois très denses, rien de mieux qu'un peu de lecture. Cette semaine, les recommandations vous sont faites par Lina Rossi, qui va vous pousser à renflouer un peu votre bibliothèque. Oui, pas facile cette semaine de trouver de quoi approfondir les sujets abordés, pas mal de législation, et à part vous dire de plonger dans les cours de droit et de regarder Public Sénat, c'était un peu creux. Alors j'ai ressorti mon âme de L pour une chronique full bouquinage. D'abord, Candide de Voltaire, l'éternel optimiste frappé par la réalité quand il sort de chez lui. C'est dans ce livre que j'ai appris le mot autodafé. Et puis 1984 de George Orwell, qu'on peut trouver facilement sur YouTube en audiobook. Des classiques finalement. Des classiques, mais qui nous rappellent que chaque lent mouvement politique peut amener vers un régime autoritaire sans qu'on ne le remarque. Ensuite, on a parlé de paternité, une belle avancée, mais du coup, je me suis penchée sur l'histoire du congé maternité. C'est assez rapide, mais ça ne fait pas de mal que de se mettre ou remettre à jour sur les combats menés depuis des siècles. Sur le site de France Archives, on peut retrouver le texte dans son résumé de la loi Enjeran, la première loi sur la protection de la maternité. Et je l'ai dit il y a une minute, l'exercice de cette chronique était un peu complexe, donc on continue sur notre lancée littéraire avec un livre que j'avais lu justement pour des concours, mais que j'avais adoré. C'est une production de la Red Team, un groupe de scénaristes et écrivains de science-fiction mandatés en 2019 par l'Agence de l'innovation de défense avec l'état-major des armées. À l'aide de dossiers confidentiels, l'équipe devait créer des scénarios probables sur l'avenir entre 2030 et 2060. À partir de ces histoires, le gouvernement adapte et imagine de nouvelles perspectives de défense. Certains de ces scripts, qui détaillent des catastrophes naturelles, économiques, politiques et j'en passe, sont rassemblés dans le livre « Ces guerres qui nous attendent 2030-2060 ». Les autres sont classés confidentiels. Merci Lina. Ce 11e podcast se touche déjà à sa fin, mais comme chaque semaine, on vous présente une école. Pour aujourd'hui, c'est Noan Poisson, en master 2 à l'école de journalisme de Grenoble. Grenoble, qui nous fait le plaisir de présenter sa formation. Alors déjà, la particularité de l'école de journalisme de Grenoble, c'est qu'elle décerne un double diplôme, c'est-à-dire qu'à la fin des 2 ans, vous êtes diplômé en journalisme à la fois par l'Université Grenoble-Alpes et par Sciences Po Grenoble. De fait, les cours sont à la fois pratiques et théoriques. Par exemple, on a eu des cours magistraux d'économie des médias, de déontologie journalistique, d'histoire du journalisme. Et concernant la pratique, la première année, elle est très riche. On découvre tous les supports, que ce soit la presse écrite, la télé, la radio, le web. Et à partir de la deuxième année, vous pouvez vous spécialiser donc soit en télé, soit en radio, soit en presse écrite web. Il faut quand même noter que l'école de Grenoble est reconnue pour sa spécialité radio parce qu'il y a un bon taux d'insertion professionnelle. Par rapport à mon expérience, je dirais que les points positifs de l'école, c'est le rapport au terrain. On est presque systématiquement envoyé en reportage. Le desk est très peu recommandé. Aussi, on a plusieurs intensives où on part en délocalisation dans des villages alentours pour apprendre à chercher des angles, des sujets. Donc, c'est vraiment très instructif. Et enfin, on est des petites promos, c'est-à-dire qu'en M1, on n'est pas plus de 30 et c'est pareil en M2. Et en plus, on est souvent en demi-groupe. Donc, ça facilite l'apprentissage, mais aussi le rapport entre nous. Et il y a une bonne solidarité interpromo. Concernant les points un peu plus faibles, je dirais qu'il y a le fait qu'on ne peut pas faire d'alternance. Alors, on a pas mal de périodes de stage. Mais pour certains, le fait de ne pas pouvoir faire d'alternance, ça peut être un peu dérangeant. Pareil, l'école de Grenoble, elle est très axée actualité locale. Personnellement, ça me plaît parce que j'ai un projet PQR. Mais pour ceux qui ont des projets plutôt nationaux, voire internationaux, ça peut ne pas leur convenir. Merci à Noën pour ses éclairages sur le JDG. C'est la fin de ce 11e épisode. Merci à Zoltan, Valentine, Juliette, Mariola, Naïs et Lina pour les chroniques, ainsi qu'à Nina à la régie. Bon courage à tous et à toutes pour les concours. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode d'ActuVu.